peut me séduire. Je connais une recette facile à retenir, infaillible et discrète, et la hop, c'est dans la poche. Mets ton petit jupon, enlève ta culotte et agite les pompons. Voici celle qui me botte, le la hop, c'est le tabi top. Ça peut paraître idiot, mais j'adore les pop-up girls, les majorettes charmides, surtout les pop-up girls. Tu peux me retenir, toute la vie si tu veux, je peux t'appartenir. Mais dansons tous les deux, oui la hop, c'est dans la poche. Ma supportrice, je serai l'animateur. Tu seras l'animatrice de Mila Hop. C'est le top du top. Ça peut paraître idiot, mais j'adore les pop-up girls, les majorettes charmides, surtout les pop-up girls. Majorette charmée, mais surtout.